aimerais dire merci aux auteurs-compositeurs qui m'ont offert toutes ces belles chansons. Un merci très, très spécial à Jean-Jacques Goldman. J'ai bien compris, merci.